RQC. Il est 15h. 15h07 sur le 95 FM. Vous êtes bien à l'écoute de RQC. C'est l'émission Rock the Nations en compagnie de Bruno. On est ensemble jusque 17h. Les membres de Dunkelnacht sont dans nos studios. Ils viennent d'arriver. On les salue et puis on les retrouve dans quelques minutes dans le cadre de l'interview pour la sortie de leur nouvelle EP. On a commencé l'émission avec Abigail et leur premier album Electric Lady paru cette année et le morceau d'ouverture Dying Petal enchaîné avec les Australiens de The Screaming Jets, leur premier album en 1991. L'album s'appelle All For One et également le morceau d'ouverture Come On. On part avec le rock alternatif, celui des Berruriers Noirs en 1985, l'album de la révélation, celui qui les a révélés au grand public, Concerto pour détraquer et le morceau Vivre, Libre ou Mourir. Devant, il y a eu du sang, il double dose des Ramones avec leur premier album live enregistré le 31 décembre 1977 au Rainbow Theatre de Londres. Et c'était le morceau I Wanna Be Well, enchaîné avec le titre Glad to See You Go. On reste dans les albums live avec le tout récent Graham Bonnet Band enregistré live au Frontiers Rock Festival 2016. Cet album-là s'appelle Live Here Comes the Night et le morceau d'ouverture Eyes of the World. Oh, 15h28 minutes sur le 95FM RQC. Vous êtes à l'écoute de l'émission Rock the Nations avec Bruno et avec également les membres de Nukelnart qui vont nous parler de leur nouvelle EP à paraître le 15 septembre prochain. Dans quelques minutes, on les retrouve pour l'interview. Mais juste à l'instant, c'était Dokken, le quatrième album studio en 1987, Back for the Attack, et le morceau Burning Like a Flame. Dans le même style et en beaucoup plus récent, on retrouve les Espagnols de Maverick, auteur d'un EP 6 titres très très intéressant, paru en 2015 sur le label Inferno Records. Le EP s'appelle Break It Up et on extrait le morceau Into the Mirror. Feel her lies spread away like a wind. Néerlandais de Drive By Wire sur RQC avec leur album The Whole Shebang paru en 2015 et le morceau Woodlands. On part dans le heavy metal avec les Suédois de Night Viper avec un extrait de leur nouvel album à paraître le 20 octobre prochain sur Listener Ball. Celui-ci s'appelle Exterminator et un titre inédit donc pour le moment, No Escape. triste destinée que celle de Red Forester, le chanteur de Riot qui à l'époque avait sorti son premier album solo sur le label Burnett Records. Cet album solo Gone With The Wind était paru en 1984 et c'était le morceau Moving In For The Kill, triste destinée puisque Red Forester est mort 10 ans plus tard, abattu par des loupards qui tentaient de lui tirer sa caisse. Et oui. Bienvenue à messieurs de Dukenhart, bonjour à vous deux. Salut. Donc Heimdall, guitare et programme, et Alkemor, le bassiste de Dukenhart. Ça fait un an jour pour jour que vous étiez venu nous rendre visite pour la première fois. Ouais, c'est pas fait exprès, mais apparemment c'est le même. Donc je voulais d'ores et déjà vous remercier de votre présence pour la promotion de ce nouvel EP à paraître le 15 septembre prochain. Celui-ci s'appelle Anthropocène. On écoutera bien sûr de quelques extraits de ce EP, mais tout d'abord, on va commencer l'interview si vous le voulez bien. Vous êtes venu donc l'année dernière pour parler de votre EP Rituals of the Occult. Depuis, c'est passé de nombreuses choses. Vous avez changé de batteur, la sortie de ce nouvel EP à prévoir le 15 septembre. Vous avez également fait une tournée d'une dizaine de dates en Russie cet été et vous n'avez pas chômé. Tout d'abord, avec l'arrivée de votre nouveau batteur, ça se passe bien ? Bonne intégration ? Bah écoute, oui, plutôt. Avec Maxime, c'était plus ça du tout depuis un moment. Et là, ça nous apporte un peu d'air humainement et puis musicalement aussi, en fait. Donc, ouais, il a fait de gros efforts parce que l'air de rien, on a tourné rapidement. Et donc, il a dû s'avaler tout le set, en fait, en très peu de temps. Et entre deux, en plus, il a dépanné un autre groupe. Donc, en fait, il s'est avalé deux sets complets sur une période de... Deux mois. À peu près, ouais. Donc ça prouvait une certaine motivation et même si tout n'était pas parfait dès le début, c'est ça qu'on demandait, quoi, tu vois. Plus l'enregistrement et donc ça fait toute la différence, quoi. À partir de là, ça peut que bien se passer, je pense. Très bien, très bien. Pour l'enregistrement et la commercialisation de votre EP, donc ça sort le 15 septembre. J'allais vous poser la question, on en a parlé hors antenne. C'est pas disponible au Japon, c'est uniquement les albums qui sont disponibles là-bas. Hein. Exact. Oui. Ouais. Et ça va être disponible dans d'autres pays ? Cet EP-là il est disponible via uniquement le groupe, donc oui, c'est disponible partout dans le monde. Donc c'est une totale autoproduction, encore une fois. Exact. Ouais, en format physique. Physique, ouais. Et digital par Wormoldef Records. Voilà. Ça s'est bien passé l'enregistrement ? Impeccable, on a pu travailler encore dans nos conditions, dans notre cahier des charges de base. On en parlait avec Tegarst qui est rentré au poste de batteur. On a pu travailler. En toute sérénité, pardon, et avec un nouvel élan, un nouveau souffle. C'est ça qui était important aussi. Et concernant vos dates russes cet été, vous avez effectué une dizaine de dates, ça s'est bien passé également ? Alors, c'était très bien. Je crois que c'est, enfin, pour ma part, je pense que c'est la meilleure tournée qu'on ait faite. Ouais. En fait, simplement. On a eu une super équipe. Chauffeur qui a été bien plus qu'un chauffeur en l'occurrence, un tourneur exceptionnel et un public exceptionnel. Ouais. Alors après, bon, c'est la Russie, donc t'imagines bien que il t'arrive toujours des petites des péripéties. Ouais. Voilà, c'est pas la même chose qu'ici, et ni politiquement ni économiquement. Économiquement, voilà. Donc les choses sont différentes, mais après l'envie est là et les gens sont motivés comme à la bonne époque. Donc le public était totalement acquis à votre cause. On peut le dire, on a vraiment eu un accueil chaleureux. On le ressortait déjà via VK, le Facebook russe, mm-hmm. sur lequel on a beaucoup promu l'événement. Et effectivement, on était réellement attendus sur toutes les dates, je dirais, bon, notamment à Moscou ou à Rostov ou d'autres grandes villes. Mais on n'a jamais eu vraiment un creux dans cette tournée, quoi. Et vous avez eu l'opportunité de jouer des nouveaux titres, justement, puisqu'il y a des extraits live sur votre page Facebook. Oui, on a joué l'EP. On a joué les deux titres principaux de l'EP. Deux titres principaux, ouais. Puisque le troisième, étant, on en a parlé une reprise, et oui. Là, on ne l'a pas fait. Et puis voilà, donc ouais, effectivement, il y a une vidéo qu'on a sortie juste derrière... pour c'était un petit hommage, hein, je pense, tout simplement. Ouais. Au départ, on a plus vu ça comme un remerciement, et puis bon, apparemment, ça a l'air de bien plaire. Et puis c'était l'occasion de diffuser ce titre-là autrement, en fait. D'accord. Je voulais revenir sur le public qui était nombreux et qui était totalement différent de ce que vous pouvez du public que vous rencontrez ici même. C'était un public assez old school, paraît-il. Bah ouais. En fait, tout est un peu old school. Ce que j'allais dire, ouais, putain, c'est un tout, quoi. C'est un peu, ouais, c'est un tout, c'est clair. Après, je pense qu'il y a moins de, à part Moscou évidemment, mais il y a aussi moins de concerts et du coup les gens sont plus. On a joué aussi dans des villes complètement paumées où on a fait du monde, vraiment du monde, parce que. Parce qu'il n'y a pas grand chose. Parce qu'il n'y a pas grand chose et puis du coup les gens sont motivés. Et puis on a eu un tourneur qui. Enfin, l'impression que ça nous a donné était quelqu'un qui aimait faire des choses dans son pays aussi, tu sais. Donc, du coup, c'était jamais très cher pour les gens non plus. On a adapté nos prix pour le merch également. Des fois, on adaptait même en fonction des villes, parce que le niveau de vie n'est pas le même en fonction des villes. Mmh. Et donc, forcément, avec tout ça, bon, bah, je pense que les gens te rendent un peu l'appareil, quoi. Exactement. Un public qui n'est pas blasé, donc. Fait plaisir, ça doit vous changer. Ouais. Je vous propose de découvrir ensemble donc un extrait de votre effort. Donc ce nouvel EP s'appelle Anthropocénia. Donc il y a deux nouvelles compos plus une reprise, un instrumental de Dismember. Et on va s'écouter le morceau d'ouverture Anthropocénia. Avec plaisir. Allez, c'est parti. Dunkelnart sur le www.rqc.be. Please, oh,

You're listening Rock the Nation. Les membres de Dukalnard qui sont toujours dans les studios pour la promotion de leur nouvelle EP qui s'appelle Anthropocénia, apparaître le 15 septembre prochain. Et juste à l'instant, c'était un extrait de leur précédent EP Rituals of the Occult, paru en début d'année 2016, et le morceau Emblem of a Diluted Deism. On retrouve les membres pour l'interview avec l'arrivée de votre nouveau batteur qui s'appelle donc Tegarst. Vous avez tout de suite commencé le travail de composition pour ce EP. Donc. Exact, on a pas mal composé ensemble cette fois-ci les patterns de batterie, même si on avait beaucoup décrit. Je vais pas essayer de refaire la redite de l'interview précédente, mais quand j'écrivais beaucoup de choses en amont, il y avait même pour le poste de batterie beaucoup de choses écrites. Mais on a revu ensemble beaucoup de patterns de grooves qu'on voulait ajouter, toujours dans cette nouvelle dynamique, quoi. Créer des choses nouvelles, quoi. Quand il y a un nouveau membre qui arrive, c'est important aussi de pouvoir en tirer le meilleur dès le studio, quoi. D'accord. Et concernant les textes de ce nouveau EP, ils sont toujours l'œuvre du chanteur MC Abagor. Ils sont en partie l'œuvre de MC Abagor sur le second, mais cette fois-ci j'ai travaillé en autarcie, comme t'aimes bien utiliser le terme. Ouais, ils sont même en fait rarement. Son œuvre. C'est plutôt l'œuvre d'Alkemore sur les textes aussi. Il participe beaucoup aux textes, beaucoup aux arrangements vocaux. Et cette fois-ci, j'écris beaucoup de choses pour cette EP parce que j'étais dans la lignée, il y avait deux titres et je m'étais senti assez inspiré aussi sur les textes. Mais on corrige souvent ensemble, Alkemore et moi-même, les textes. Ouais, de toute façon, on a pas vraiment de place définie, non. Tu sais, de rôle imposé. Y a des choses qui s'imposent d'elles-mêmes. Oui. Là, pour le coup, effectivement, les textes, t'étais dedans, tu les as fait. Par contre, moi, j'ai fait tous les placements vocaux. Et puis après, j'ai tout enregistré. Et puis j'ai envoyé ça au chanteur et il a retravaillé par rapport à ça. Tu vois, on fonctionne comme ça, quoi. Mais effectivement, les textes, généralement, c'est moi. Généralement, les placements vocaux, c'est moi. Quoique sur le précédent EP, le chanteur avait fait une partie de texte aussi, donc il y a pas réellement de règles, c'est vrai. Non, on aime bien écrire aussi, que ça soit la musique elle-même mais aussi les paroles, quoi. D'accord. Et concernant le packaging, qui a eu l'idée de ce digipack bien sympathique, ma foi, et l'artwork également? On est avec Alkemore, on se disait que finalement c'est juste un EP. Faut être réaliste aussi, hein. C'est vrai qu'un EP, comme son nom l'indique, c'est juste des tracks en plus pour patienter. Et il fallait marquer le coup aussi avec un objet, vu qu'on aime bien ici tous les objets, hein, pas que les vulgaires fichiers numériques. Il fallait quelque chose de beau. Je confirme. Ouais. Voilà. Il fallait quelque chose d'original et de soigné. Donc c'est vrai qu'on s'est retrouvé finalement vite à faire un digipack, parce que le CD, c'est ce qu'on... moi, j'ai pas honte de le dire, c'est le format que je préfère, parce qu'on peut l'emporter partout, etc. Même si j'adore les vinyles, mais. Puis c'est vrai que si on voulait faire une interview ici, il fallait qu'on te ramène quelque chose de bien. Voilà. Et tu nous as dit. Donc, voilà. Tu nous as dit qu'on viendrait pas si on avait que des fichiers numériques, donc ça dit mince. Mais bref, on s'est dit, faut marquer le coup avec quelque chose, toujours qu'on puisse tenir, quoi. C'est important. La musique, ça s'écoute. Mais je pense que le côté graphique. Et ultra important. Et justement, l'artwork, alors, vous avez voulu représenter, parlez-moi de l'artwork, en fait. Alors, l'artwork, il est surtout basé sur Anthropocénia, parce que le titre éponyme. C'est pas un texte écolo, c'est vraiment une morale qui raconte l'ère de l'homme en général et son côté de destruction, la destruction de l'environnement et de tout ce qui existe sur cette terre. C'est de ça que parle le texte au final. Mais qu'il y a toujours un petit côté moralisateur dans le texte aussi, sans se prendre pour Dieu le Père non plus. Mais une morale dans le sens où il y aura toujours un retour de bâton. Et finalement, l'artwork décrit ça, c'est-à-dire, comme tu peux le voir là en ce moment, tous les constructions de l'homme vis-à-vis des églises, etc. Il y a le mal représenté par le diable. Le diable, tout le monde qui veut le croire ou non, c'est une vision très chrétienne du mal. Et on voit aussi des moines écrire des textes religieux, etc. Bon, c'est très symbolique au final, mais très graphique surtout. L'actualité immédiate de Dunkelnacht, vous avez des dates de prévues en Hollande, notamment, et en Belgique? Alors, ouais, fin du mois, tu vois, on sort notre petite anti-sèche parce que... tous nos anti-sèches. Voilà, le 29, le 29, c'est une autre interview, tu vois, je suis en train de lire bêtement. tu peux faire la promotion, c'est ta page nocturne. Bien sûr. Manu, ta page nocturne. Bonjour Manu, si tu nous écoutes. Voilà, donc on sera en interview... Non, il doit être en train de boire un rosé, là, je crois. Santé. On sera en interview chez lui le vendredi, forcément, puisque c'est le vendredi, et le lendemain, on joue en Hollande. On joue Deventer. Deventer. Après, on va jouer le 7 octobre au Buckfest aussi en Hollande. Et on va jouer aussi le 21, donc le même mois. Un peu plus près, surtout. Un peu plus près. Wish Place Metal Meeting. Et puis ensuite, on va faire le Titans Club un peu plus tard. Ça c'est Belgique. À Lens, oui. Voilà. Lens, Belgique, ouais. J'ai dit la date, non, j'ai pas dit la date, le 25 novembre. Ouais. 25 novembre. Donc déjà chargé quoi pour la rentrée quoi. Vos projets ensuite, l'enregistrement du nouvel album. Oui. Je crois que je le disais l'année dernière dans l'interview, je sais plus ce que j'ai dit l'année dernière, mais. On avait déjà plus ou moins commencé cet album. J'avais plus ou moins commencé cet album. Là, il est vraiment avancé. On est en plein dans les batteries, en fait. Dans la prise batterie. Et le chant va venir se greffer. Donc, on espère pouvoir le sortir pour l'année prochaine si on s'avance pas trop. C'est quelque chose qu'on a déjà commencé. Et puis, après, l'EP s'est greffé là-dessus. Donc, on l'a mis un peu de côté. Par la force des choses, parce qu'on pouvait pas faire les deux en même temps. Et là on va le reprendre, hein. Donc tout est composé, tous les textes sont faits. Après il y a une grosse partie d'enregistrement, et puis nous on a un peu tatillon là dessus donc on en parlait avec d'autres groupes qui le sont moins, et du coup ça prend un peu de temps, voilà. Et puis il y a tout le reste à côté, évidemment, donc c'est pas toujours évident, mais le résultat sera en conséquence, je pense. Donc le EP, c'est en fait un hors-d'œuvre en attendant l'album, et c'est surtout pour dire aux gens on est toujours là, on vous oublie pas, et pas se faire oublier surtout. Il y a cette raison là, il y a le fait aussi qu'on avait eu cette démarche avec le chanteur quand il arrivait d'immortaliser un peu sa touche sur le précédent, donc pourquoi on l'aurait pas fait avec le nouveau batteur. Ça nous permettait d'avoir quelque chose à distribuer en Russie, puisque tout à l'heure tu disais qu'ils sortaient le 15. Effectivement, dans le reste de l'Europe, ça va sortir un petit peu plus tard, mais chez eux, on l'avait sorti en Russie plus tôt pour la tournée. Et c'était l'occasion de leur apporter quelque chose, un petit cadeau de bienvenue. De bienvenue. Et puis quoi d'autre? Après c'était l'occasion d'en faire deux d'affilée, ça marquait un peu le coup, on aime bien ce format. Bon, après on va pas en faire trois d'affilée, hein. Mais deux c'était bien, et puis encore une fois c'était des morceaux qu'on voulait pas mettre dans l'album, pas parce qu'ils sont pas bons, mais parce qu'ils collent pas au reste des morceaux trop différents. Voilà. Donc c'est en ça qu'il y avait toutes ces raisons, et c'était surtout pas des morceaux qu'on voulait mettre de côté parce qu'on les trouvait très très bons en fait. D'accord. Donc l'EP, on pourra le choper via votre page Facebook et au concert. Oui, exactement. Donc la page Facebook Dunkelnacht, tout simplement. Ouais. Et prochaine tournée prévue pour l'été prochain? Alors cet été on sait pas trop ce qu'on fait en fait, on a des petites touches et on sait pas encore ce que ça donne, en plus il y a l'album qui arrive, il y a des tas de questions financières, il y a des questions de travail, enfin bref. Par contre là moi je suis en train de booker en Europe de l'Est pour avril, on est encore un petit peu dans la phase de travail là-dessus, donc il n'y a rien de... définitif. Mais il y aura une tournée en avril. Je négocie, donc on va pas affirmer ça à 100%, mais bon, disons que c'est très bien parti. Et on veut retourner en Europe de l'Est parce qu'on l'a déjà fait, parce qu'on a des bons contacts là-bas, et puis ça fait un moment, ça nous manque un peu. Et voilà. Vous êtes attendu aussi. Bah, on l'espère. Et, on l'espère être attendu. Ouais. Mais ouais, ouais, il y a des dates qu'on a déjà faites, enfin des lieux qu'on a déjà fait et qu'on voulait vraiment refaire parce que c'est des gens et des lieux agréables, des publics agréables et puis des gens cool, quoi. Un super accueil aussi de la part des clubs. Quand même des petits. Enfin, c'est devenu amical. Là, donc, il y a ces gens-là qu'on veut revoir aussi pour ces raisons-là, au-delà de la musique. Voilà. Qu'est-ce qui vous manque à Dunkelnart pour emmener le groupe à un niveau supérieur? C'est toujours la question fatidique. On en parlait en antenne. Je pense qu'un groupe ne peut pas survivre sans une fanbase, sans des fans devant. Donc, sans argent non plus. Donc, c'est pour ça qu'il est important d'acheter les vrais merch, etc. des groupes pour qu'ils puissent avancer, pour qu'ils puissent concrétiser leurs projets et aussi du temps. Parce que ce qui compte, c'est le temps et l'argent pour pouvoir développer des projets, créer de la bonne musique tout simplement, sereinement et pas dans le bordel ambiant, quoi. Et c'est ce qui manquera toujours de toute façon, puisque malheureusement, oui. Parce que de toute façon, si tu augmentes ton espace temporel et tes finances, bah tu vas vouloir faire plus encore et donc t'en auras encore besoin. Et donc c'est comme ça. Nous, on n'est pas. On pourrait avoir mieux, hein, encore, hein, au niveau finance. Non, ça va, mais je veux dire, c'est vrai que ça serait mentir que dire qu'un groupe tourne sans argent et qu'on fait tout ça pour les beaux yeux de. Ça marche pas comme ça, hein, à un moment donné, à un moment, un projet doit être viable avec de l'argent et du temps et des contacts. Et puis je pense que c'est un juste retour. Moi, j'ai toujours considéré la musique comme un échange avec le public. Et si on donne d'un côté, il faut recevoir de l'autre. Je pense que c'est pas une mauvaise vision des choses, en fait, de voir quelque chose d'équilibré, en fait. Et le public, bah, quand il vient nous voir, qu'il se déplace et puis bah, forcément qu'il investit un petit peu, bah, effectivement, il fait sa démarche aussi et il a son importance. Voilà. Est-ce qu'il y aurait une question que j'aurais oublié de vous poser, qui vous semble important peut-être? Si je voulais une autre bière. Non, ça, c'était la question cruciale. Ouais. Non, je sais pas. Non, de passer de la musique, tout simplement. De passer de la musique. On est là pour ça. Eh bien, on va continuer en musique. Le mot de la fin, quand même, en ce qui vous concerne. Bah, merci déjà, comme d'habitude. Bah, ouais, on est comme à la maison ici, reçu. Eh bien, c'est la moindre des choses et vous êtes toujours les bienvenus, sachez-le. Bah, puis on poursuit la soirée avec Immolation en plus tout à l'heure. Et on se voit tout à l'heure pour Immolation et Melekech au Deverlicht Guest. Exactement. C'est ça. Alors on termine donc cette interview avec un dernier extrait de votre EP qui sort donc le 15 septembre, je le rappelle. Le nouvel EP, 4 titres de Dunkelnart Anthropocénia et le morceau qui clôture ce EP, Iconoclast. Nations. L'album du mois. L'album Unois sur le www.rqc.be et pour l'émission Rock the Nations, c'est le premier album, énorme album d'Aggressor. Paru à l'été 1990 sur Noise en licence Black Mark, Neverending Destiny et le morceau Dark Power. On part au Brésil avec l'album de Vorgok, sorti Evils, paru l'an dernier, et le morceau d'ouverture Deception in Disguise. We'll be right back. 16h38 sur le 95FM, à l'instant Repugnant, leur premier album Epitome of Darkness, le morceau d'ouverture Hungry Are the Damned. On part avec les productions du label Great Dane et le dernier album de Psychobolia qui s'appelle Chiaroscuro, le morceau Oxygène. Yeah. When the Jackals Come, le dernier album d'Immolation, hautement recommandé par les membres de Dunkelnacht qui sont encore dans le studio, et puis on va aller les voir tout à l'heure. N'est-ce pas, Ronan? Ouais, moi. C'est ton album de l'année. Hein. Carrément, en fait. Enfin, c'est Immolation, comme on disait à Rotten, c'est un peu toujours. Toujours pareil, quoi. Bah, c'est toujours bien fait aussi. Hein. Mais du coup, je m'attendais à rien. En fait, je m'attendais à aimer de façon classique. Et en fait, je me suis mis ça dans ma bagnole et purée, je ne serais jamais sorti de ma voiture, tu vois. Donc j'ai pris une claque en fait sur cet album-là. Donc j'attendais de les voir pour acheter leur l'album en direct, en fait. Bien sûr, toujours acheter le merch en direct. Et voilà, je préfère faire ça comme ça maintenant. Enfin, quand on a l'occasion de voir les groupes, en tout cas. Et donc, cet album, The Atonement, tu pourras l'acquérir dans quelques minutes, dans quelques heures, puisqu'on va aller applaudir Immolation en compagnie de Melekech et Azarath de Verlich Guest à Roselaar. Et c'est à partir de 19h. Voilà. Pour Immolation, on va partir avec Death Control et leur unique album à ce jour, Awaiting Us All. Et sur le label Great Dane, bien sûr, le morceau Omnipresence Companion. We're all about us. 16h53 sur 95FM, les Brésiliens de Lacerated and Carbonized qui seront en concert au Midland le mercredi 20 septembre prochain en compagnie du groupe God of Death. Il y aura également un troisième guest et donc extrait de cet album Narco Hell. C'était le titre dont a été extrait un clip Hell de Janeiro. On va terminer l'émission tranquillement avec l'EP 2 titres de Fracasme. Leur album sort le 25 septembre prochain sur le label Great Dane. Et extrait donc de ce EP 2 titres Cerebral Torture. On s'écoute pour terminer l'émission Cerebral Torture. Je vous souhaite une excellente fin d'après-midi. Prenez soin de vous. À la semaine prochaine pour d'autres aventures. Et puis prenez soin de vous tout simplement. Et bonne semaine encore. On termine donc l'émission avec Fracasme, Cerebral Torture. Bonne semaine, ciao. Run, we start.